C'est une petite phrase qui a attiré mon attention. Je l'ai trouvée dans un livre au titre énigmatique « Je ne sais rien, mais je dirai presque tout ». Son auteur, Yves Bertrand, a été le patron des renseignements généraux pendant 12 ans, de 1992 à 2004. Autant dire que cette longévité exceptionnelle en a fait l'homme le mieux informé de France, le plus informé et aussi le plus redoutable. Quels secrets cachait-il? Quelles informations confidentielles détenait-il? Quels dossiers explosifs gardait-il sous le coude? C'est dire combien d'hommes politiques pouvaient légitimement le craindre. Alors, cette petite phrase, n'allons pas trop vite, comme dirait M. X. Yves Bertrand a fait toute sa carrière dans cette véritable police politique que constitue le service des renseignements généraux. Il a certainement eu accès à des dossiers établis avant même son engagement. Et c'est ainsi qu'il donne son sentiment, et c'est forcément proche de la vérité, sur une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre dans les commencements de la Ve République. Une affaire que vous ne connaissez peut-être pas ou que vous avez oubliée, mais qui a donné naissance à une célèbre expression maintes fois reprise, les balais roses. C'est-à-dire une affaire de pédophilie qui a secoué le monde politique et le tout Paris et qui a définitivement compromis la réputation d'un homme qui, au moment des faits, était le deuxième personnage de la République. Mais, première question, pourquoi André Le Trocaire a-t-il été le seul homme politique à être poursuivi? Et, deuxième question, n'a-t-il pas été victime d'une machination? C'est pourquoi j'ai demandé à M. X de se pencher sur ce dossier sulfureux. Un dossier dont il se souvenait parfaitement. Je ne sais pas qui a inventé cette expression qui va faire florès. Les balais roses. Oui, qui désigne tout simplement des soirées licencieuses en présence ou avec la participation de très jeunes filles. Et si ce sont des petits garçons, on parle de balais bleus. Mais peut-être était-ce une réponse du berger à la bergère. On a évoqué un peu plus tard une affaire de balais bleus en province, où étaient compromis un magistrat, un ecclésiastique et un notable de droite. Tandis que Le Trocaire, lui, était un homme de gauche. Un socialiste, oui. Enfin, revenons à l'origine de l'expression. On a dit que le président Le Trocaire aurait eu un faible pour la troupe de l'opéra. Le petit rat. Pourquoi pas? Autre explication possible. Au cours de ces soirées, on aurait dansé. Et je vous laisse imaginer quel genre de danse. J'ai compris. Alors, pour commencer, un mot sur le principal personnage de cette scandaleuse affaire. André Le Trocaire, un héros de la Grande Guerre où il a d'ailleurs perdu un bras, et un homme politique qui a connu une brillante carrière, brillante et courageuse. Alors, voyons ça plus précisément. Le Trocaire est issu d'un milieu très modeste. Sa mère, qui l'élève seule dans une localité de la banlieue parisienne, est femme de ménage. Il n'empêche que cet excellent élève parvient à faire des études de droit et devient avocat. Et la politique? À 16 ans, dès le début du XXe siècle, il adhère au Parti socialiste. Le Parti de Jaurès, hein. Et il commence à militer dans le 12e arrondissement de Paris, une circonscription à laquelle il restera fidèle toute sa vie. Puis c'est la guerre, d'où il revient couvert de médailles et où il s'est fait deux grands amis, le futur numéro 1 du Parti communiste, Marcel Cachin, mais aussi l'avocat Tixier Vignancourt. Ah oui, alors, qui lui se situe à l'extrême droite. Des amitiés très éclectiques, donc. Ah oui, les tranchées ont soudé ce genre d'amitié qui faisait fi des affinités politiques. Mais je poursuis. Élu conseiller municipal et conseiller général, Le Trocaire est délégué au célèbre congrès de Tours en 1920. Où l'on va assister à une scission décisive du mouvement socialiste. Oui, d'un côté, ceux qui épousent la ligne bolchevique de Moscou et vont créer le Parti communiste, et de l'autre, les militants fidèles à la vieille maison, pour reprendre l'expression de Léon Blum. Et Le Trocaire Revenu de la guerre, avec des convictions pacifistes, et malgré sa tristesse de voir ses amis se déchirer, il se range sans hésiter dans le camp de la SFIO. En 1936, toujours dans son cher 12e arrondissement, il est élu député. Et en 1940, il fait partie de la centaine de parlementaires qui protestent contre la capitulation. Et donc contre la prise du pouvoir par Pétain. Naturellement. Et André Le Trocaire, en compagnie de Georges Mandel, Pierre Mendès-France ou Jean Zay, embarque sur le paquebot Massilia avec la volonté d'organiser le combat outre-mer. Une initiative qu'ils ne pourront concrétiser. Oui, à cause des gouverneurs et autres hauts fonctionnaires acquis aux pétainistes. En 1942... De retour en métropole, déchu de ses mandats électoraux, Le Trocaire est l'avocat de Blum lors du procès de Rion. Courageux, prenant à partie l'occupant et la trahison des chefs militaires, Il n'est pas pour rien dans le fiasco de Vichy qui doit renvoyer s'immédier le procès. Ensuite, il entre dans la clandestinité où il tente de reconstruire la SFIO. Traqué par la Gestapo, il rejoint Londres puis Alger. Il y représente le Parti Socialiste au sein du Conseil National de la Résistance. Et quelles sont alors ces relations avec le général de Gaulle ? Excellentes. À Alger, le chef de la France libre lui confie même de nombreuses et importantes responsabilités. Ce qui lui vaut, au lendemain de la libération de Paris, de descendre les Champs-Élysées à côté du général. Mmh. Ensuite, il entreprend, en 1945, de recouvrer ses mandats électoraux. Il sera même pendant un an président du Conseil municipal de Paris. Puis il est ministre de l'Intérieur dans le gouvernement de Félix Gouin et ministre de la Défense nationale lorsque Léon Blum est président du Conseil. Ah, de très hautes fonctions. Donc. Et en même temps, il est naturellement membre des instances dirigeantes de la SFIO. Redevenu député, membre de la Commission de la Défense, il est l'un des parlementaires les plus influents de la toute jeune 4e République et devient même vice-président de la Chambre en 1948. Ah oui, effectivement. Et l'homme alors, qui était-il ? Petit, râblé, la parole impérieuse et coupante. Le Trocquière était plutôt raide et avait une haute idée de lui-même et des fonctions qu'il remplissait. Mais c'était aussi un honnête homme, particulièrement scrupuleux et qui s'enflammait dès qu'il était question de la défense de la République. Un républicain pur sucre. Fin 1953, il joue un rôle déterminant dans la vie politique française. Le Congrès, c'est-à-dire la réunion des deux chambres, se retrouve à Versailles pour élire le successeur du président de la République, Vincent Auriol. En l'absence d'Édouard Herriot, malade, c'est le Trocquière qui préside le Congrès. Et une élection qui va être particulièrement laborieuse. En effet, il y aura jusqu'à 13 tours de scrutin et c'est finalement le très consensuel René Coty qui sera élu, comme vous le savez. Auparavant, il y aura eu un épisode qui témoigne fort bien du caractère intransigeant d'André le Trocquière. Racontez, là. Au 8e tour, Laniel, leader des indépendants et président du Conseil, recueille une majorité de suffrages. Il devrait donc être élu. Oui. Mais le Congrès compte dans ses rangs deux Laniel, un René et un Joseph. Le scrupuleux Lautrecker élimine les bulletins qui ne comportent que le patronyme Laniel, sans préciser le prénom. Mais il est dans son droit, non ? Certes, mais Laniel, Joseph Laniel est furieux et en voudra à mort à Lautrecker qui a ainsi, à cause de son pointillisme, empêché son élection à la présidence de la République. C'est un ennemi, alors. Et vous le verrez, hein, et Lautrecker s'en fera bien d'autres. Un mot encore sur cette élection. Le Trocquière lui-même aurait pu faire un candidat honorable à la présidence de la République. Et sans doute y a-t-il pensé. Alors il n'a pas osé sauter le pas. Non. Et puis un autre socialiste était officiellement présenté par la SFIO. Mais je suis sûr qu'il en a conçu beaucoup de regrets. Et à la première occasion, c'est-à-dire pendant la crise de mai 58, il essaiera de réaliser son rêve. Mais en vain. Quoi qu'il en soit, tout de suite après l'élection de Coty, c'est au tour de Le Trocquière d'être élu par ses pairs président de l'Assemblée nationale. Et malgré une brève interruption, il le restera jusqu'à la fin de la 4e République. Et au terme de la Constitution de la 4e, il devient donc le deuxième personnage de l'État. C'est ça, oui. Vous avez dit jusqu'à la fin de la 4e République. Oui, oui, parce qu'à la suite de la grande lame gaulliste qui va déferler en 1958... Il sera battu dès le premier tour aux élections législatives de novembre. Mais peut-être symbolisait-il à l'excès cette 4e République qu'on va accuser de tous les maux. Hein. Très injustement d'ailleurs, car la 4e avait des mérites. À commencer par celui d'avoir redressé une France ruinée par la guerre et la collaboration. Et puis aussi celui d'avoir lancé le pays sur la voie de la modernisation et de l'inventivité technologique. Mais je m'égare. Le Trocquière battu... Ben, c'est aussi la fin de sa carrière politique. Ouais. Quel âge a-t-il alors ? Attendez, il était né en 1884, donc il avait 74 ans. Mais il s'est peut-être présenté une fois trop. C'est très possible, d'autant qu'il va bientôt être rattrapé par cette fameuse affaire des balais roses. Et nous allons y venir. Auparavant, il me faut vous parler de ses rapports avec les gaullistes, des rapports très difficile et même houleux. Pourtant, mais vous dites, il avait commencé par entretenir des relations aimables avec De Gaulle. Oui, mais les temps avaient changé et la création du RPF était passée par là. Roger Vibault, dont M. X va souvent parler dans la suite de son récit, a été directeur de la DST, notre service de contre-espionnage, tout au long de la 4e République. Dans son livre de mémoire, « Bataille pour la DST », publié par les presses de la Cité, il brosse un portrait sans concession de l'ancien président de la Chambre. Mutilé d'un bras en 14-18, le Trocquière déborde de l'arrogance de ceux qui ont perdu un membre à la guerre. Vaniteux, sûr de lui, distillant pour ses semblables un fabuleux mépris, il estime que tout lui est dû. Obéissance aveugle, considération éperdue, faveurs innombrables. Gaffeur éternel, il fait retomber sur ses subordonnés la colère que lui inspirent ses propres échecs. Bien que redevable du démarrage de sa carrière politique à De Gaulle, qui en fit un ministre, il secrète un anti-gaullisme viscéral, fanatique. À peine arrivé place Beauvau et venant rendre visite à mon service, il m'apostrophait devant mes principaux collaborateurs avec la rage frémissante et maladive du roquet survolté. « Je suis venu au ministère de l'Intérieur pour nettoyer un peu la maison, » glapit-il ce jour-là. « Et je tiens à vous prévenir, charitablement, qu'en ce qui vous concerne, je trouverai bien un bon prétexte pour me débarrasser de vous. » Surpris par cette agression sauvage et frisant la paranoïa, je lui répondis de mon ton le plus glacial que je prenais bonne note de son avertissement et saurais m'en souvenir. Le général de Gaulle crée le RPF, Rassemblement du Peuple Français, en 1947. Et bien qu'il s'en défende, c'est un parti comme les autres. Mais un parti attrape tout, si j'ose dire. Si on y trouve des militants qui sont des gaullistes de la première heure, et donc d'authentiques résistants, la majorité de ses membres est composée d'attentistes. Et s'y glissent aussi des collabos qui, en adhérant au RPF, comptent bien se refaire une virginité politique. Il existe même, je ne suis pas le seul à le dire, une sorte de tentation fascisante chez certains de ces militants. Vous pensez à ce service d'ordre musqué, là. Oui, qu'on retrouvera plus tard au sac. Mmh. Et ça, j'imagine, ça doit révulser des républicains sincères comme André Lautrecker. Exactement. Mmh. Oui, ils nourrissent une vraie méfiance à l'égard du RPF. Et cela rejaillit forcément sur le général de Gaulle lui-même, accusé de vouloir revenir au pouvoir par la force. Et d'ailleurs, la tentation existe. Chez de Gaulle ? Non. Non, plutôt chez certains de ses partisans qui l'ont pressé de tenter le coup. L'armée vous suivra, mon général. Et c'était sans doute vrai. Mmh. Mais de Gaulle ne s'y est pas risqué. Toutefois, si l'initiative n'était pas venue de lui, il se serait peut-être laissé entraîner. Ça a failli arriver au moins une fois. En 1954, je crois. Mais notez bien qu'en 1958, c'est ce qui s'est passé. Le général qui a testé sa popularité en faisant un grand voyage outre-mer a compris depuis un an ou deux que l'Algérie pourrait être le levier qui lui permettrait de revenir au pouvoir. Alors, il suit attentivement l'évolution des événements. Et ses fidèles s'agitent dans l'ombre. À Paris comme à Alger, et même dans certaines casernes. Aussi, quand le 13 mai 58 arrive, les gaullistes sont prêts à prendre le train en marche et le moment venu à confisquer le mouvement à leur profit. Enfin, n'allons pas trop vite, car nous sommes peut-être au cœur de cette affaire de Palais-Rose. J'avoue que je ne comprends pas, là. Alors, encore un petit peu de patience. Ouais. Mais avouez quand même qu'on est loin, là, de Lautrecker et de ses éventuelles fraudaines. Hein. Pas tant que ça. Et parlons justement des Palais-Rose. C'est au cours de l'été 1958 que l'affaire commence, de façon assez banale. Une toute jeune fille pensionnaire d'un centre d'éducation surveillée. On disait à l'époque maison de correction. C'est juste. Donc cette jeune fille est arrêtée pour chantage. Avec l'aide de deux faux policiers qui proposaient contre rétribution d'étouffer l'affaire, elle faisait chanter des hommes qui avaient succombé à son charme. Elle était donc mineure. Oui. Elle reconnaît les faits. Mais elle va beaucoup plus loin. Elle dénonce tout un réseau de ce qu'on va bientôt appeler des Palais-Roses. Comme elle, six autres filles, dont la plus jeune n'a que 12 ans, participe à des soirées très spéciales avec des adultes, surtout des vieux messieurs. Et c'est suffisamment grave pour qu'un juge d'instruction soit désigné et qu'une enquête de police soit diligentée. Et les parents là, de ces filles mineures ? Oh ben, ils vont bien sûr être amenés à porter plainte contre les suborneurs, mais il faudra parfois leur forcer la main. Mm-hmm. Pour quelle raison ? Oh, parce qu'ils craignent eux-mêmes d'être inquiétés. Au mieux, ils ont été négligents. Au pire, ils ont été complices, car ils ont confié leur fille à l'organisateur du réseau avec une ingénuité pour le moins coupable. Et sans se poser de questions. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Nous sommes donc dans les années 50, je vous le rappelle. Est-ce qu'on laisse une fort jolie gamine de 12 ans passer toute une soirée avec un beau jeune homme, même si c'est l'ami de la famille? Ça me paraît en effet imprudent. Dans les années 50, hein, comme aujourd'hui d'ailleurs. Oui, je suis d'accord. Et c'est sans doute pourquoi deux familles seulement se sont portées partie civile. Alors, venons-en maintenant à l'organisateur. Ce beau jeune homme. Oui, un garçon très serviable, qui à l'occasion offre à maman de l'emmener faire ses courses en voiture. Ah oui, très aimable. Alors, qui est-ce ? Un ancien fonctionnaire de la DST. Un ex-policier, donc. Pierre Sorlu a en effet été assez brièvement, le chauffeur du grand patron de la DST, Roger Vibeau. Un personnage assez mystérieux dont vous m'avez souvent parlé. Il a été mêlé à la plupart des affaires de la 4e République. Du bon côté de la barrière. En principe, oui. Que voulez-vous insinuer, là ? Ses méthodes inquisitrices ont parfois été critiquées. Et puis, il y a le personnage lui-même, un homme au regard sombre qui cultive le secret. Féru d'astrologie, ce célibataire endurci se sépare rarement de son gros chien, qui d'ordinaire somnole sous son bureau. Pas très rassurant, tout ça. Impressionnant, en tout cas. Oui. Est-ce qu'il aurait pu jouer un quelconque rôle dans cette affaire de Ballet Rose ? Rien n'est impossible. Vibeau, qui connaissait bien son monde, n'ignorait certainement pas la rumeur qui voulait que le président Le Troquer avait du goût pour les jeunes filles. Mais de là à penser qu'il aurait pu être le deus ex machina de cette affaire via son ex-chauffeur, ça me paraît difficile à croire. Même si Vibeau, le gaulliste, n'avait aucune sympathie pour Le Troquer, le socialiste. Alors, si vous le voulez bien, revenons à Sorlu. Ce Charentais a d'abord été résistant. Puis, à la Libération, il est recruté par la DST. Oui, mais il n'y reste pas longtemps, vous dire. Une petite année. Et pourquoi alors ? Son dossier est éloquent. Peu sérieux, indiscipliné et même mauvais chauffeur. Il est donc viré ? Oui, mais il ne rompt peut-être pas tout à fait avec la police. Ce qui signifie... Il aurait gardé des liens avec un préfet de police. Il aurait même exécuté des missions secrètes pour la DST. Et ça vous paraît vraisemblable ? En tout cas, ça ne m'étonne pas outre mesure. Les services secrets ont toujours besoin de collaborateurs discrets qui n'appartiennent pas officiellement à la maison. Et qui ne sont donc pas tenus d'agir dans un cadre légal. Évidemment. Ouais. En somme, ils travaillent au noir. Oui, c'est à peu près ça. Alors, bien sûr, je n'ai pas de preuves. Mais quand même, deux faits accréditent cette thèse. D'abord, en 1954, il est déjà arrêté pour... Il est déjà arrêté pour une sombre histoire de trafic de films pornographiques. Mais il est aussitôt relâché à la suite d'interventions en haut lieu. Plus tard, beaucoup plus tard, en 1995, on célèbre dans la cour du ministère de l'Intérieur les 50 ans de la création de la DST. Pierre Sorlu est là. C'est quand même un ancien, non ? D'accord, mais alors qu'est-ce qui justifie qu'on l'ait choisi, lui, pour déposer une gerbe de fleurs en l'honneur des agents morts en service ? Mieux, on l'a vu ensuite bavarder avec Charles Pasqua, qui présidait la cérémonie. Une précision. Sorlu était alors le propriétaire d'un restaurant bien connu des couples échangistes, un lieu de rencontre pratique et fréquenté par une clientèle de choix. Enfin, on en reparlera. Ouais, tout cela est effectivement très troublant. Au reste, Sorlu est un garçon charmant. Charmant ou charmeur ? Les deux, car il fait merveille auprès de ses mères dont il séduit les filles. Il se déplace toujours dans de belles automobiles, pas souvent les mêmes. Fait état de ses puissantes relations dans les hautes sphères du pouvoir et semble disposer de ressources financières suffisantes pour jouir d'une vie aisée. Mais officiellement, que fait-il ? Rien, apparemment. Il touche une retraite de l'armée et un vieil oncle lui sert une rente. C'est bien flou, hein ? Oui, car la vérité, c'est qu'il est couvert de dettes. Mais si ce type la recrute effectivement de très jeunes filles pour des soirées licencieuses... cette activité porte un nom. Vous voulez dire que c'est un souteneur ? Eh bien, ça ne me semble pas très éloigné de la vérité, car il ne fait nul doute que ses services sont rétribués. Mais comment parvenait-il à convaincre les mères de lui confier leur fille ? Habilement, Sorlu évoquait ses relations, du genre « Pensez à l'avenir de votre fille, madame. Je vais lui présenter des personnes influentes et haut placées qui... favoriseront sa carrière dans la danse, la mode ou le théâtre. » Mais ça suffisait. Oui. Alors, quand il leur faisait miroiter une rencontre avec le deuxième personnage de l'État, Sénigaud fondait. D'autant que les rendez-vous avaient parfois lieu au pavillon du Butard, résidence de campagne officielle du président de l'Assemblée nationale. En parcourant la presse de l'époque, on ne peut pas manquer d'être étonné. Les commentaires oscillent entre l'ironie graveleuse et l'amusement. Comme si l'on ne prenait pas la mesure du crime qui a été commis contre ces fillettes. Et jamais le mot « pédophile » n'est prononcé. Même le canard enchaîné tombe dans ce travers sous la plume de Morvan Lebesque. Quant à Madeleine Jacob, journaliste féroce et talentueuse, qui a fait une partie de sa carrière dans Libération Première Manière, où elle suivait les affaires de justice, elle badine. « Dansez les petites filles toutes en rond, en vous voyant si gentilles, les vieux riront. » Puis elle fustige les maires. Il y a, dans ces honorables parties de campagne, deux sortes de partenaires. Il y a les fillettes. Ces fillettes ne sont point des Agnès en rupture de ban, mais des enfants tôt dévoyés et qui ont, n'est-il pas vrai, des parents. Comment ces parents-là ont-ils pu laisser leur fille courir à ces rendez-vous qui parfois les retenaient une nuit entière loin de la maison paternelle? Comment ces parents-là ont-ils pu, avec autant d'ingénuité, confier leurs enfants à ce sorlu si inquiétant, voire à ces beaux messieurs, à ces personnages officiels, pour si peu de choses que la promesse d'un accès facile à la carrière de fille d'opéra? Et quand bien même ses parents auraient été aussi crédules, ce qui nous surprend tout de même, comment n'ont-ils pas aperçu que les petites filles cessaient d'être des petites filles? Il est des choses qui marquent un être. La gamine qui jette ses cothurnes par-dessus le butard change d'aspect, d'allure, de manière d'être, de parler, de marcher et de se comporter. Ces changements ne peuvent pas échapper à l'œil attentif d'une mère. Or, si l'on en croit les informations données autour de cette affaire, certaines mères pouvaient ne pas ignorer que les soirées dansantes en vue de la future carrière de ballerine n'étaient point innocentes. Retrouvons la chronologie. Depuis plusieurs mois, il y avait des rumeurs, en particulier sur ce qui se passait au pavillon du Butard, près de Vaucresson, dans ce qui était encore la Seine-et-Oise. Ouais, un pavillon mis à la disposition du deuxième personnage de l'État. Hein. On murmurait qu'il s'y donnait des parties fines, des soupers, régence, comme on disait de façon allusive. En faisant référence aux soirées coquines du duc d'Orléans régent à la mort de Louis XIV. Hein. Et ces soupers régence avaient lieu à la campagne, dans ce qu'on appelait alors les petites maisons, ou des folies. Mmh. Pour en venir à l'époque contemporaine, on murmurait. Mais c'est tout. Et on ne parlait pas encore de Bayrose. Absolument pas. Ouais. De la même façon, on évoquait aussi l'attirance du président Letrocquer pour l'opéra, où il disposait d'ailleurs d'une loge. Mais on n'y voyait pas malice. Letrocquer, bien que toujours vert, était un vieillard. Un veuf qui avait trouvé consolation auprès d'une artiste peintre, Madame de Pinaïef, qui se prétendait comtesse. Et qui, entre parenthèses, sera poursuivie, elle aussi, mais enfin passons. Quand l'affaire est rendue publique, après l'arrestation de la petite maître chanteuse, on ne tarde pas à prononcer à bas mots « Letrocquer en était ». Letrocquer, mais aussi d'autres personnalités de premier plan. Avec qui, par exemple? Un grand coiffeur, un restaurateur éminent, des hommes d'affaires, etc. Et encore d'autres hommes politiques. Mais le gros poisson, c'est bien sûr Letrocquer, figure de la 4e République. Oui, alors qu'on vient tout juste d'entrer dans la 5e. Donc politiquement, ça ne peut pas nuire au nouveau pouvoir. Ah, bien au contraire. Sorlu, appréhendé à son tour, ne tardera pas à prononcer le nom de Letrocquer. Et fin janvier 59, le nom de l'ancien président du Palais Bourbon sort dans la presse. Réaction ? Letrocquer se défend bec et onglet, nie toute participation à des balais roses, dénonce une machination politique, mais reconnaît avoir déjà rencontré Sorlu à quelques reprises. Un aveu curieux. Ouais, pourquoi là ? Parce qu'il aurait soutenu moralement Sorlu alors que celui-ci traversait un drame sentimental. D'après ce que vous avez dit du personnage, ça ne colle pas tout à fait, même si, après tout, les souteneurs aussi peuvent avoir des peines de cœur. Ensuite, presque subrepticement, Sorlu lui a rendu visite deux fois, alors qu'il séjournait au pavillon du Butard. Il était accompagné, en tout bien, tout honneur, naturellement, de deux femmes. Ouais, pas des fillettes, donc? Ah, bien sûr que non. On a pris l'apéritif et les visiteurs sont repartis comme ils étaient venus. C'est encore plus bizarre, là. Au fond, Sorlu se rend au pavillon du Butard un peu par hasard. Comme en passant. Rassurez-vous, je partage vos doutes. En tout cas, pour André Letrocquer, le plancher devient de plus en plus brûlant. Et il prend les devants en demandant à être inculpé. Pour avoir accès au dossier. Et mieux se défendre, oui. En même temps, la liste des personnalités compromises ne cesse de s'allonger. À tel point que le juge d'instruction s'accote, se lamente. Je n'ai quand même pas inculpé tout Paris. Et là, je dois souligner un épisode troublant. Alors que jusqu'à février 1959... la presse livrait des noms pêle-mêle. Des noms de suspects. Oui. Et sans tenir compte de la présomption d'innocence. Soudain, le juge décide le blackout. Ah oui, plus de noms. C'est ça. Et ça donne l'impression que le principal inculpé étant identifié, convient désormais d'imposer le silence. Et cette mesure renforce, bien entendu, le sentiment des amis de Letrocquer qui en tiennent pour la machination. Car l'ancien président sera le seul inculpé politique à comparaître devant la 15e chambre correctionnelle. Aujourd'hui, il serait sans doute jugé par la cour d'assises, hein? Certainement, oui. Car les chefs d'inculpation sont particulièrement graves. Attentat à la pudeur sur mineur de 15 ans. Actes impudiques et contre-nature sur mineur. Excitation de mineur à la débauche. C'est pas rien, hein? Mais Letrocquer, étant donné son glorieux passé et les services qu'il a rendus à la nation, va échapper à une lourde condamnation. seulement un an avec sursis et une amende. Ouais, peine qui sera bientôt amnistiée et se gardera bien de faire appel. Au passage, je dois vous signaler que le juge, dénonçant le désarroi moral de la société, a mis en cause l'esprit de Saint-Germain-des-Prés. Pauvre ça, et pauvre Julien Gréco. Ah, oui, ça vous donne un aperçu de ce jugement autant moralisateur que clément. Et sur lui ? Ah ben il en prend pour 5 ans. Ah oui, quand même. Alors reste la question de la machination politique, votre avis ? Ben, il faut d'abord dire que s'il y a eu machination, ça n'enlève rien au fait que le Troquer s'est livré à des activités répréhensibles et pédophiles. Des activités licencieuses qui auraient pu être éventuellement exploitées par ses adversaires. Alors je répète, la machination est-elle crédible ? Oui. Et pour bien comprendre, il faut revenir au processus qui devait amener au retour au pouvoir du général. Si quelques gaullistes complotaient à Alger, recrutaient dans les milieux extrémistes et auprès de certains officiers qui voulaient non seulement en finir avec la 4e République, mais aussi tout faire pour s'opposer à l'abandon de l'Algérie française. Ouais, tant de futurs cocus, quoi. Vous avez raison. Ben, ce n'est pas le sujet. Alors je poursuis. D'autres gaullistes préparaient à Paris le coup d'État politique, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles le général pourrait s'imposer avec un minimum de légalité. Il leur apparaît très vite que le président de l'Assemblée nationale sera un rude adversaire et ne manquera pas de s'opposer à tout ce qui pourrait apparaître comme anticonstitutionnel. Ouais. Et il a déjà donné la preuve de son intransigeance lors de l'élection présidentielle. Mais comment venir à bout de cet empêcheur de comploter en rond ? En mettant en cause sa vie privée ? Exactement. Et c'est Pierre Sorlu qui va être l'artisan de ce plan. Deux observations. Hein. D'abord, l'affaire des balais roses va éclater alors que De Gaulle a déjà gagné. Ensuite, l'artisan, comme vous dites, ben, il a payé cher. Hein. Votre premier argument peut être facilement démonté. Je suis sûr que si le Troquer avait pu réunir autour de lui une solide opposition générale, l'affaire serait sortie plus tôt. Et si elle a finalement été rendue publique, c'est que, somme toute, il n'était pas inutile de salir une figure symbolique de la 4e République. Quant à Sorlu, il a certes payé et il est resté incarcéré 4 ans. Mais j'observe que cet homme, un pécunieux, a pu ensuite se rendre propriétaire d'un restaurant. Enfin, je n'en dirai pas plus. Mais il n'est pas inutile de souligner qu'une véritable inimitié opposait le Troquer au général. J'en veux pour preuve la soirée du 28 mai 1958. Mais ça me dit quelque chose là. Que s'est-il passé, rappelez-moi là. Alors qu'à Alger, on prépare l'opération Résurrection. L'arrivée des paras à Paris. Hein. Oui, c'est ça. Et que d'autre part, le gouvernement a démissionné. Le président Coty a déjà décidé de faire appel à De Gaulle. Mais il veut que ça se passe dans la légalité, c'est-à-dire que le général se présente devant la représentation nationale et soit investi dans les formes, ce à quoi De Gaulle se refuse. Aussi Coty décide-t-il de lui envoyer 2 négociateurs de poids, le Troquer et Monnerville, c'est-à-dire les présidents des 2 assemblées parlementaires. Mais l'entrevue qui se déroule chez un ami du général au parc de Saint-Cloud commence très mal. Pourquoi ? Parce que les 2 présidents ont l'impression d'être livrés à un véritable chantage. S'ils n'acceptent pas les conditions fixées par De Gaulle, ce sont les paras qui régleront le problème. Et seul De Gaulle peut les empêcher de sauter sur Paris. Et donc la tension est extrême. Et c'est le Troquer qui se montre aussitôt très vindicatif, alors que le général fidèle à lui-même commence à développer de façon impérieuse ses arguments et ses exigences. Le Troquer se déchaîne. « Je connais bien depuis Alger, vous avez l'âme d'un dictateur, vous aimez trop le pouvoir personnel. » Et comment réagit le général ? Il se maîtrise et se contente de répliquer assez méprisant « Vous oubliez, monsieur le Troquer, que j'ai restauré la République. » Et ça calme le Troquer ? Pas du tout. Il accuse au contraire De Gaulle de vouloir aujourd'hui saborder la République. Et il explose. « Demandez-moi n'importe quoi, sauf de trahir la Constitution. » Heureusement, Gaston Monnerville, le président du Sénat, s'interpose et met fin à cette alcarade. De Gaulle, vous le savez, finira par se rendre à ses arguments et acceptera de se présenter devant l'Assemblée nationale. Mais le Troquer de continuer encore longtemps à maugréer. En tout cas, cette violente altercation n'a pas dû arranger ses relations avec le général. Hein. Mais De Gaulle, qui a conduit son accession au pouvoir avec une suprême habileté, l'oubliera bien vite. Enfin, en guise de happy end, je vous ai dit que Pierre Sorlu avait ouvert un restaurant. commerçant honorable, même si on se livrait dans son établissement à des activités que les convenances et la pudeur réprouvent, cet homme décidément peu ordinaire a fait des baléroses un produit d'appel, comme on dit aujourd'hui. En marketing. Ouais. Ainsi, dans la devanture de son restaurant, pouvait-on voir une guirlande de chaussons roses, ce qui n'empêchait pas quelques hauts personnages de fréquenter les lieux. Pour terminer, deux éléments qui accréditent la version de Monsieur X. En janvier 1959, André Le Troquer publie un communiqué alors que l'affaire des Baléroses vient tout juste d'être rendue publique. Communiqué dans lequel il nie bien sûr son implication, mais il ajoute « J'avais été informé de sources très sérieuses que tout serait tenté contre moi, y compris la suggestion faite à l'inculpé, il veut alors parler de Sorlu, qu'il aurait intérêt à forcer la vérité et qu'il pourrait y trouver avantage. » Autre phrase intéressante, celle que j'annonçais au début de cette émission et qui est extraite du livre d'Yves Bertrand, l'ancien patron d'Hergé. « J'ai toujours pensé, quant à moi, que Sorlu travaillait pour les gaullistes et avait eu pour mission de discréditer Le Troquer, haute figure de la quatrième dont il connaissait bien les travers. » Le livre d'Yves Bertrand, je ne sais rien, mais je dirais presque tout, est paru chez Plomb.